La cérémonie de constitution du comité préparatoire suisse pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a eu lieu le 6 mars à Bâle. Y ont pris part les membres du comité Suisse-Corée et du cercle d'études des études judiciaires de Suisse. Le comité a fixé l'espace du 10 mars au 16 avril comme période de célébration et décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge des exploits immortels du président Kim Il-sung accomplis pour la libération de la Corée, l'édification d'une société nouvelle, la réunification de la patrie et la cause d'émancipation du monde.